Évangile selon saint Jean, texte de la Bible catholique crampon, enregistrement effectué par mission-web.com. Chapitre 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Celui-ci vint en témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Non que celui-ci fût la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. La lumière, la vraie, celle qui éclaire tout homme, venait dans le monde. Il, le Verbe, était dans le monde, et le monde par lui a été fait, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais quant à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui n'ont du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu sont nés. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle qu'un Fils unique tient de son Père, tout plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrit en ces termes. Voici celui dont je disais. Celui qui vient après moi est passé devant moi parce qu'il était avant moi. Et c'est de sa plénitude que nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. Parce que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne le vit jamais. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et voici le témoignage que rendit Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui êtes-vous ? » Il déclara, et ne le nia point, il déclara « Je ne suis point le Christ. » Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Êtes-vous Élie ? » Il dit « Je ne le suis point. » « Êtes-vous le prophète ? » Il répondit « Non. » « Qui êtes-vous donc ? » lui dirent-ils, « afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dites-vous de vous-même ? » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. » Or ceux qu'on lui avait envoyés étaient des pharisiens. Et ils l'interrogèrent et lui dirent « Pourquoi donc baptisez-vous, si vous n'êtes ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait vers lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « Un homme vient après moi, qui est passé devant moi, parce qu'il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. » Et Jean rendit témoignage en disant « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est reposé sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et se reposer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Et moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-là est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean se trouvait encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Jésus s'étant retourné, et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeurez-vous ? » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Or, c'était environ la 10e heure. Or, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit « Christ ». Et il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Toi, tu es Simon, fils de Jean. Tu seras appelé Céphas », ce qui se traduit « Pierre ». Le jour suivant, Jésus résolut d'aller en Galilée, et il rencontra Philippe. Et Jésus lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui répondit « Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » Jésus fit venir vers lui Nathanaël et dit en parlant de lui « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a nul artifice. » Nathanaël lui dit « D'où me connaissez-vous ?» Jésus repartit et lui dit « Avant que Philippe t'appelât, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui répondit « Rabbi, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le roi d'Israël. » Jésus lui repartit « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois. » Tu verras de plus grandes choses que celles-là. » Et il ajouta, « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Chapitre 2. Et le troisième jour, il se fit des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'est-ce que cela pour moi et pour vous? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 urnes de pierre destinées aux ablutions des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces urnes. » Et ils les remplirent jusqu'au haut. Et il leur dit, « Puisez maintenant, et portez-en au maître du festin. » Et ils emportèrent. Dès que le maître du festin eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il interpella l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et après qu'on a bu abondamment, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à ce moment. » Tel fut, à Cana de Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Or la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs assis. Et ayant fait un petit fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez cela d'ici. » Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Les disciples se ressouvinrent alors qu'il est écrit « Le zèle de votre maison me dévore ». Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel signe nous montrez-vous pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours ». Les Juifs repartirent. « C'est en 46 ans que ce temple a été bâti, et vous, en 3 jours, vous le relèverez. » Mais lui, il parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, beaucoup voyant les miracles qu'il faisait crurent en son nom. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait, lui, ce qu'il y avait dans l'homme. Chapitre 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme nommé Nicodème, un des principaux parmi les Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que vous êtes venu de la part de Dieu comme docteur, car personne ne saurait faire les miracles que vous faites si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « comment un homme, quand il est déjà vieux, peut-il naître? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître de nouveau ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème lui répondit « comment cela se peut-il faire ?» Jésus lui dit « tu es le docteur d'Israël et tu ignores ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous attestons ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez point notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses qui sont sur la terre, comment croirez-vous si je viens à vous parler de celles qui sont dans le ciel? Et nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or, voici quel est le jugement. C'est que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, de peur que ses œuvres ne soient blâmées. Mais celui qui accomplit la vérité vient à la lumière, de sorte que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples au pays de Judée, et il y séjourna avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on venait, et l'on était baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva une discussion entre les disciples de Jean et un juif touchant la purification. Et ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec vous au-delà du Jourdain, et à qui vous avez rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut prendre que ce qui lui a été donné du ciel. Vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, « Je ne suis point le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'écoute est ravi de joie à la voix de l'époux. Or cette joie qui est la mienne, elle est pleinement réalisée. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et son langage aussi. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et ce qu'il a vu et entendu, il l'atteste. Mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est véridique. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il lui a tout remis entre les mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Chapitre 4. Quand le Seigneur connut que les pharisiens avaient appris que Jésus faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, toutefois ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en alla de nouveau en Galilée. Or, il fallait passer par la Samarie. Il vint donc en une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Or, là était le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donnez-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment vous, qui êtes juif, me demandez-vous à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de commerce avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si vous connaissiez le don de Dieu, et qui est celui qui vous dit, « Donnez-moi à boire », vous-même lui en auriez fait la demande, et il vous aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, vous n'avez rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auriez-vous donc cette eau vive ? Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donnez-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Allez, lui dit Jésus, appelez votre mari et venez ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Vous avez raison de dire, je n'ai point de mari, car vous avez eu cinq maris, et celui que vous avez maintenant n'est pas à vous. En cela, vous avez dit vrai. » La femme dit, « Seigneur, je vois que vous êtes un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Jésus dit, « Femme, croyez-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni dans Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure approche, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » La femme lui répondit, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, va venir. Lorsqu'il sera venu, il nous instruira de toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui vous parle. » Et à ce moment arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme. Néanmoins, aucun ne dit, « Que demandez-vous ? » ou « Pourquoi parlez-vous avec elle ?» La femme, alors, laissant là sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent à lui. Pendant l'intervalle, ses disciples le pressaient en disant, « Maître, mangez !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se disaient les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas vous-même, « Encore 4 mois, et ce sera la moisson. » Moi je vous dis, levez les yeux et voyez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Le moissonneur reçoit son salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car ici s'applique l'adage, « Autre est le semeur et autre le moissonneur. » Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous, vous êtes entrés dans leur travail. Or, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus sur la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les Samaritains étant donc venus vers lui, le prièrent de rester chez eux, et il y demeura 2 jours. Et un plus grand nombre crurent en lui pour l'avoir entendu lui-même. Et il disait à la femme, « Maintenant, ce n'est plus à cause de ce que vous avez dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car Jésus avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est point honoré dans sa patrie. Lorsqu'il fut arrivé en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un officier du roi dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre pour guérir son fils qui était à la mort. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, venez avant que mon enfant ne meure. »« Va, lui répondit Jésus, ton enfant est plein de vie. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et partit. Comme il s'en retournait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui apprirent que son enfant vivait. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était l'heure à laquelle Jésus lui avait dit, « Ton fils est plein de vie. » Et il crut, lui et toute sa maison. Ce fut le second miracle que fit Jésus en revenant de Judée en Galilée. Chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques. Ils attendaient le bouillonnement de l'eau. Car un ange du Seigneur descendait à certain temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après l'agitation de l'eau était guéri de son infirmité quelle qu'elle fût. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu gisant et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine dès que l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et à l'instant cet homme fut guéri. Il prit son grabat et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton grabat. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était esquivé grâce à la foule qui était en cet endroit. Plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi il persécutait Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Sur quoi les Juifs cherchaient encore avec plus d'ardeur à le faire mourir, parce que non content de violer le sabbat, ils disaient encore que Dieu était son Père, se faisant égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que fait le Père, le Fils aussi le fait pareillement. » Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, qui vous jetteront dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, aussi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père lui-même ne juge personne, mais il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et n'encourt point la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a aussi donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils en sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de condamnation. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas véridique. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est véridique. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et lui, mais vous n'avez voulu que vous réjouir un moment à sa lumière. Pour moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, rendent témoignage de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face, et vous n'avez point sa parole demeurant en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce n'est point que je demande ma gloire aux hommes, mais je vous connais. Je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, et vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Chapitre 6. Jésus s'en alla ensuite de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade, et une foule nombreuse le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur ceux qui étaient malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car lui, il savait ce qu'il devait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un morceau. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5 000. Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des 2 poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Recueillez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les recueillirent et remplirent 12 corbeilles des morceaux qui étaient restés des 5 pains d'orge, après qu'ils eurent mangé. Ces hommes qui avaient vu le miracle que Jésus avait fait disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Sachant donc qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, Jésus se retira de nouveau, seul, sur la montagne. Le soir venu, les disciples descendirent au bord de la mer, et étant montés dans une barque, ils traversaient la mer dans la direction de Capharnaüm. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Cependant, la mer soulevée par un grand vent était agitée. Quand ils eurent ramé environ 25 à 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, ne craignez point. » Ils voulurent donc le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque se trouva au lieu où ils allaient. Le jour suivant, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il n'y avait là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était point entré avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques, cependant, étaient arrivées de Tibériade près du lieu où le Seigneur, après avoir rendu grâce, leur avait donné à manger. La foule, donc, ayant vu que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, entra dans ses barques et se rendit à Capharnaüm pour chercher Jésus. Et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Maître, quand êtes-vous venu ici ?» Jésus leur repartit et leur dit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué d'un sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « Voici l'œuvre que Dieu demande, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent, « Quel miracle faites-vous donc afin que nous le voyions et que nous croyions en vous ? Quelles sont vos œuvres ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'est mon Père qui donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc, « Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain. » Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne jetterai point dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Car c'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez point entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés par Dieu. » Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici le pain descendu du ciel, afin qu'on en mange et qu'on ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour le salut du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est là le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est point comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses, enseignant dans la synagogue à Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples l'ayant entendu dire, « Cette parole est dure, et qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le trahirait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que vous êtes le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le trahir, lui, l'un des 12. Chapitre 7. Après cela, Jésus parcourut la Galilée, ne voulant pas aller en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent donc, « Partez d'ici, et allez en Judée, afin que vos disciples aussi voient les œuvres que vous faites. Car personne ne fait une chose en secret lorsqu'il désire qu'elle paraisse. Si vous faites ces choses, montrez-vous au monde. » Car ses frères même ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps à vous est toujours prêt. Le monde ne saurait vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui ce témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y vais point, parce que mon temps n'est pas encore venu. » Après avoir dit cela, il resta en Galilée. Mais lorsque ses frères furent partis, lui-même monta aussi à la fête, non publiquement, mais en secret. Les Juifs donc le cherchaient durant la fête et disaient, « Où est-il ? » Et il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » « Non, » disaient les autres, « il trompe le peuple. » Cependant, personne ne s'exprimait librement sur son compte, par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête, lorsque Jésus monta au temple et il se mit à enseigner. Les Juifs étonnés disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point fréquenté les écoles ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de soi-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique, et il n'y a point en lui d'imposture. Est-ce que Moïse ne vous a point donné la loi? Et nul de vous n'accomplit la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » La foule répondit, « Vous êtes possédé du démon. Qui est-ce qui cherche à vous faire mourir ?» Jésus leur dit, « J'ai fait une seule œuvre, et vous voilà tous hors de vous-même. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais des patriarches. Et vous la pratiquez le jour du sabbat. Que si, pour ne pas violer la loi de Moïse, on circoncit le jour du sabbat, comment vous indignez-vous contre moi, parce que, le jour du sabbat, j'ai guéri un homme dans tout son corps? Ne jugez point sur l'apparence, mais jugez selon la justice. » Alors quelques habitants de Jérusalem dirent, « N'est-ce pas celui qu'ils cherchent à faire mourir? Et le voilà qui parle publiquement sans qu'on lui dise rien. Est-ce que vraiment les chefs du peuple auraient reconnu qu'il est le Christ ? » Celui-ci, néanmoins, nous savons d'où il est. Mais quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, enseignant dans le temple, dit donc à haute voix, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Et pourtant ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Vous ne le connaissez point. Moi, je le connais, parce que je suis de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Ils cherchèrent donc à le saisir, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Mais beaucoup, parmi le peuple, crurent en lui, et ils disaient, « Quand le Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci ?» Les pharisiens entendirent la foule murmurant ces choses au sujet de Jésus. Alors les princes des prêtres et les pharisiens envoyèrent des satellites pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous un peu de temps, puis je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez point, et où je suis, vous ne pouvez venir. » Sur quoi les Juifs se dirent entre eux, « Où donc ira-t-il, que nous ne le trouverons point ? Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils, et ira-t-il les instruire ? Que signifie cette parole qu'il a dite ? Vous me chercherez et vous ne me trouverez point. Et où je suis, vous ne pouvez venir. » Le dernier jour de la fête, qui en est le jour le plus solennel, Jésus, debout, dit à haute voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de son sein, comme dit l'Écriture, couleront des fleuves d'eau vive. » Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parmi la foule, quelques-uns qui avaient entendu ces paroles disaient, « C'est vraiment le prophète. » D'autres, « C'est le Christ. » Mais, disaient les autres, « Est-ce de la Galilée que doit venir le Christ ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la race de David et du bourg de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir ? C'est ainsi que le peuple était partagé à son sujet. Quelques-uns voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les satellites étant donc revenus vers les pontifes et les pharisiens, ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les satellites répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Vous aussi, vous vous êtes laissé séduire. Y a-t-il quelqu'un parmi les princes du peuple qui ait cru en lui ? Y en a-t-il parmi les pharisiens ? Mais cette populace qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'eux, celui qui était venu de nuit à Jésus, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu, et sans qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Toi aussi es-tu Galiléen ? Examine avec soin les Écritures, et tu verras qu'il ne sort point de prophète de la Galilée. » Et ils s'en retournèrent chacun dans sa maison. Chapitre 8. Jésus s'en alla sur la montagne des Oliviers. Mais, dès le point du jour, il retourna dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Et l'ayant fait avancer, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles personnes. Vous, donc, que dites-vous ? » C'était pour l'éprouver qu'il l'interrogeait ainsi, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait sur la terre avec le doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Ayant entendu cette parole, et se sentant repris par leur conscience, ils se retirèrent les uns après les autres, les plus âgés d'abord, puis tous les autres, de sorte que Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, lui dit « Femme, où sont ceux qui vous accusent? Est-ce que personne ne vous a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Je ne vous condamne pas non plus. Allez et ne péchez plus. » Jésus leur parla de nouveau, disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Sur quoi les pharisiens lui dirent « Vous rendez témoignage de vous-même. Votre témoignage n'est pas digne de foi. » Jésus leur répondit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est véridique, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est véridique, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est digne de foi. Or, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est votre Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus parla de la sorte dans le parvis du trésor, lorsqu'il enseignait dans le temple, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs disaient donc, « Est-ce qu'il va se tuer lui-même, puisqu'il dit, « Où je vais, vous ne pouvez venir. » Et il leur dit, « Vous, vous êtes d'en bas, et moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans votre péché. Car si vous ne croyez pas que je suis le Messie, vous mourrez dans votre péché. » « Qui êtes-vous ? » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Absolument ce que je vous déclare. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à condamner en vous. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé tout seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la race d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment pouvez-vous dire, « Vous deviendrez libre » ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes enfant d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Moi, je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ce n'est point ce qu'a fait Abraham. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants de fornication. Nous avons un seul Père, qui est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Le Père dont vous êtes issu, c'est le diable, et vous voulez accomplir les desseins de votre Père. Il a été homicide dès le commencement, et n'est point demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne l'entendez pas. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain et que vous êtes possédé du démon ?» Jésus répondit, « Il n'y a point en moi de démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous m'outragez. Pour moi, je n'ai point souci de ma gloire. Il est quelqu'un qui en prend soin et qui fera justice. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Nous voyons maintenant qu'un démon est en vous. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et vous, vous dites, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Êtes-vous plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétendez-vous être ? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et pourtant vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il devait voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Vous n'avez pas encore 50 ans et vous avez vu Abraham. » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors ils prirent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Chapitre 9. Jésus vit, en passant, un aveugle de naissance. « Maître, lui demandèrent ses disciples, est-ce que cet homme a péché, ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut, tandis qu'il est jour, que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant ainsi parlé, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il l'étendit sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, lave-toi dans la piscine de Siloé, » mot qui se traduit « envoyé ». Il partit, se lava et s'en retourna, voyant clair. Les voisins et ceux qui l'avaient vu auparavant demander l'aumône disaient, « N'est-ce pas là celui qui était assis et mendiait ?» Les uns répondaient, « C'est lui. » D'autres, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « Un homme, celui qu'on appelle Jésus, a fait de la boue. Il l'a étendu sur mes yeux et m'a dit, « Va à la piscine de Siloé et lave-toi. » J'y ai été, et, m'étant lavé, j'ai recouvré la vue. « Où est cet homme ? » lui dirent-ils. Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et ouvert les yeux de l'aveugle. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue, et il leur dit, « Il m'a mis sur les yeux de la boue, je me suis lavé, et je vois. » Sur cela, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme n'est pas envoyé de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un pécheur peut-il faire de tels prodiges ? » Et la division était entre eux. Ils dirent donc de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulurent pas croire que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir les parents de celui qui avait recouvré la vue. Ils leur demandèrent, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Les parents répondirent, « Nous savons que c'est bien là notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous l'ignorons. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, lui-même parlera de ce qui le concerne. » Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils craignaient les Juifs. Car déjà les Juifs étaient convenus que quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le. » Les pharisiens firent venir une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Celui-ci répondit, « S'il est un pécheur, je l'ignore. Je sais seulement que j'étais aveugle et qu'à présent je vois. » Ils lui dirent, « Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Est-ce que vous aussi vous voulez devenir ses disciples ?» Ils le chargèrent alors d'injures et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous fais la leçon. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait ainsi chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui-même. » « Je crois, Seigneur, » dit-il, et se jetant à ses pieds, il l'adora. Alors Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui lui dirent, « Sommes-nous, nous aussi, des aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez point de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons. Votre péché demeure. » Chapitre 10. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. C'est à lui que le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom ses brebis, et il les mène au pâturage. Quand il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette allégorie, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus donc leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le pasteur, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, laisse là les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire et qu'il n'a nul souci des brebis. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix, et il y aura une seule bergerie et un seul pasteur. C'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me la ravit, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Il s'éleva de nouveau une division parmi les Juifs à l'occasion de ce discours. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il est possédé d'un démon. Il a perdu le sens. Pourquoi l'écoutez-vous ? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas là les paroles d'un possédé. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent donc et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendrez-vous notre esprit en suspens ? Si vous êtes le Christ, dites-le nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez point, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et je leur donne une vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. » Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « J'ai fait devant vous beaucoup d'œuvres bonnes qui venaient de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous vous lapidons, mais pour un blasphème, et parce que, étant homme, vous vous faites Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si la loi appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, comment dites-vous à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, « Vous blasphémez parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, lors même que vous ne voudriez pas me croire, croyez à mes œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent de nouveau à se saisir de lui, mais il s'échappa de leurs mains. il s'en retourna au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Et beaucoup venaient à lui, disant, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de celui-ci était vrai. » Et il y en eut là beaucoup qui crurent en lui. Chapitre 11. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie est celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » Ce qu'ayant entendu, Jésus dit, « Cette maladie ne va pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta 2 jours encore au lieu où il était. Il dit ensuite à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout à l'heure les Juifs voulaient vous lapider, et vous retournez là. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne se heurte point, parce qu'il voit la lumière du monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il se heurte parce qu'il manque de lumière. » Il parla ainsi et ajouta, « Notre ami Lazare dort, mais je me mets en route pour le réveiller. » Ses disciples lui dirent, « S'il dort, il guérira. » Mais Jésus avait parlé de sa mort, et ils pensaient que c'était du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Et Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus vint donc et trouva Lazare depuis 4 jours dans le sépulcre. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus près de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Dès que Marthe eut appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit donc à Jésus, « Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. » Jésus lui dit, « Votre frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra point pour toujours. Le croyez-vous ? » ?»« Oui, Seigneur, lui dit-elle. Je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir en ce monde. » Lorsqu'elle eut ainsi parlé, elle s'en alla, et appela en secret Marie, sa sœur, disant, « Le maître est là, et il t'appelle. » Dès que celle-ci l'eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il n'avait pas quitté le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie et la consolaient, l'ayant vu se lever en hâte et sortir, la suivirent en pensant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée au lieu où était Jésus, le voyant, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, frémit en son esprit et se laissa aller à l'émotion. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, venez et voyez. Et Jésus pleura. Les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle né, faire aussi que cet homme ne mourût point ? Jésus donc, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était un caveau, et une pierre était posée dessus. « Ôtez la pierre, » dit Jésus. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez exaucé. Pour moi, je savais que vous m'exaucez toujours. Mais j'ai dit cela à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est vous qui m'avez envoyé. » Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus près de Marie et de Marthe, et qui avaient vu ce qu'avait fait Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les pontifes et les pharisiens assemblèrent donc le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous ? Car cet homme opère beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que toute la nation ne périsse pas. » Il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu qui sont dispersés. Depuis ce jour, ils délibérèrent sur les moyens de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montrait plus en public parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville nommée Éphrem, et il y séjourna avec ses disciples. Cependant la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup montèrent à Jérusalem, avant la Pâque, pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres, se tenant dans le temple. « Que vous en semble ? Pensez-vous qu'il ne viendra pas à la fête ?» Or, les pontifes et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclara, afin qu'il le fisse prendre. Chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, le mort qu'il avait ressuscité. Là, on lui fit un souper, et Marthe servait. Or, Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard très pur, très précieux, en oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors, un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le trahir, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il dit cela, non qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et qu'ayant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit donc, « Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Un grand nombre de Juifs surent que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Mais les princes des prêtres délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une multitude de gens qui étaient venus pour la fête, ayant appris que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des rameaux de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus, ayant trouvé un ânon, monta dessus, selon ce qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus fut glorifié, ils se souvinrent qu'elles avaient été écrites de lui et qu'il les avait accomplies en ce qui le regarde. La foule, donc, qui était avec lui lorsqu'il appela Lazare du tombeau et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Et c'est aussi parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle que la multitude s'était portée à sa rencontre. Les pharisiens se dirent donc entre eux, « Vous voyez bien que vous ne gagnez rien. Voilà que tout le monde court après lui. » Or, il y avait quelques gentils parmi ceux qui étaient montés pour adorer lors de la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Seigneur, nous voudrions bien voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être mon serviteur, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivrez-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Père, glorifiez votre nom. » Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait, c'est le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est faite entendre, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ce qu'il disait, c'était pour marquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dites-vous? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » « Qui est le Fils de l'homme ?» Jésus leur dit, « La lumière n'est plus que pour un temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis s'en allant, il se déroba à leurs yeux. Quoiqu'il eût fait tant de miracles en leur présence, ils ne croyaient point en lui. Afin que fût accompli l'oracle du prophète Isaïe, disant, « Seigneur, qui a cru à notre parole? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Ils ne pouvaient donc croire, parce qu'Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit la gloire du Seigneur et qu'il parla de lui. Beaucoup, toutefois, même parmi les membres du Sanhédrin, crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être chassés de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus éleva la voix et dit, « Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ma parole et ne la garde pas, moi, je ne le juge point. Car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me méprise et ne reçoit pas ma parole, il a son juge. C'est la parole même que j'ai annoncée. Elle le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et ce que je dois enseigner. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a enseignées. Chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Pendant le souper, lorsque déjà le diable avait mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que son Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était sorti de Dieu et s'en allait à Dieu, se leva de table, posa son manteau, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il versa de l'eau dans le bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Quoi, vous, Seigneur, vous me lavez les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais vous ne me laverez les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a pris un bain, n'a besoin que de se laver ses pieds. Il est pur tout entier. Et vous aussi, vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il savait quel était celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et repris son manteau, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné l'exemple, afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez aussi vous-même. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Je ne dis pas cela de vous tous, je connais ceux que j'ai élus, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé le talon contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle sera arrivée, vous reconnaissiez qui je suis. En vérité, je vous le dis, quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il affirma expressément, « en vérité, je vous le dis, un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Or, L'un d'eux était couché sur le sein de Jésus. C'était celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit donc signe pour lui dire « Qui est celui dont il parle ?» Le disciple, s'étant penché sur le sein de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je présenterai le morceau trempé. » Et, ayant trempé du pain, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Aussitôt que Judas l'eut pris, Satan entra en lui, et Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Quelques-uns pensaient que, Judas ayant la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce qu'il faut pour la fête » ou « Donne quelque chose aux pauvres ». Judas, ayant pris le morceau de pain, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour un peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs qu'ils ne pouvaient venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où allez-vous ? » Jésus répondit, « Où je vais, tu ne peux me suivre à présent, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je vous suivre à présent? Je donnerai ma vie pour vous. » Jésus lui répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous y préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où vous allez. Comment donc en saurions-nous le chemin ? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Comment peux-tu dire, « Montrez-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait lui-même ses œuvres. Croyez sur ma parole que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Croyez-le du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père et que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, Vous le connaissez parce qu'il demeure au milieu de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que vous vouliez vous manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. Vous avez entendu dire que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que, quand elles seront arrivées, vous croyiez. Je ne m'entretiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis selon le commandement que mon Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Chapitre 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en porte davantage. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure uni à la vigne, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse ses sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon Père, et comme je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, et que le Père vous accorde ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient en propre. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et que je ne leur eusse point parlé, ils seraient sans péché. Mais maintenant leur péché est sans excuse. Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait au milieu d'eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils seraient sans péché. Mais maintenant ils ont vu, et ils me haïssent moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans sujet. Lorsque le Consolateur que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, sera venu, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Chapitre 16. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira faire à Dieu un sacrifice agréable. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni mon Père, ni moi. Mais je vous l'ai dit afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai annoncé. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Et maintenant que je m'en vais à celui qui m'a envoyé, aucun de vous ne me demande « Où allez-vous ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est bon que je m'en aille. Car, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas en vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Au sujet du péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Au sujet de la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Au sujet du jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent. Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Celui-ci me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il recevra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais à mon Père. Sur quoi, quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux. Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais à mon Père. Il disait donc, que signifie cette « encore un peu de temps » Nous ne savons ce qu'il veut dire. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et leur dit, « Vous vous questionnez entre vous sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez. » en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, est dans la souffrance parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, Elle ne se souvient plus de ses douleurs, dans la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans l'affliction. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis point que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voilà que vous parlez ouvertement et sans vous servir d'aucune figure. Maintenant nous voyons que vous savez toutes choses et que vous n'avez pas besoin que personne vous interroge. C'est pourquoi nous croyons que vous êtes sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez à présent. Voici que l'heure vient, et déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Pourtant je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez des tribulations dans le monde, mais prenez confiance, j'ai vaincu le monde. » Chapitre 17. Ayant ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie, puisque vous lui avez donné autorité sur toute chair, afin qu'à tous ceux que vous lui avez donnés, il donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Je vous ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que vous m'avez donnée à faire. Et maintenant à vous, Père, glorifiez-moi auprès de vous, de la gloire que j'avais auprès de vous, avant que le monde fût. J'ai manifesté votre nom aux hommes que vous m'avez donnés du milieu du monde. Ils étaient à vous, et vous me les avez donnés, et ils ont gardé votre parole. Ils savent à présent que tout ce que vous m'avez donné vient de vous, car les paroles que vous m'avez données, je les leur ai données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de vous, et ils ont cru que c'est vous qui m'avez envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que vous m'avez donnés, parce qu'ils sont à vous. Car tout ce qui est à moi est à vous, et tout ce qui est à vous est à moi, et que je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Pour eux, ils sont dans le monde, et moi, je vais à vous. Père Saint, gardez dans votre nom ceux que vous m'avez donnés, afin qu'ils ne fassent qu'un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je les conservais dans votre nom. J'ai gardé ceux que vous m'avez donnés, et pas un d'eux ne s'est perdu, hormis le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Maintenant je vais à vous, et je fais cette prière pendant que je suis dans le monde, afin qu'ils aient en eux la plénitude de ma joie. Je leur ai donné votre parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Je ne vous demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Sanctifiez-les dans la vérité. Comme vous m'avez envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, par leur prédication, croiront en moi, pour que tous ils soient un, comme vous, mon Père, vous êtes en moi, et moi en vous, pour que, eux aussi, ils soient un en nous, afin que le monde croie que vous m'avez envoyé. Et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et vous en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que vous m'avez envoyé et que vous les avez aimés comme vous m'avez aimé. Père, ceux que vous m'avez donnés, je veux que là où je suis, ils y soient avec moi, afin qu'ils voient la gloire que vous m'avez donnée, parce que vous m'avez aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne vous a pas connu, mais moi, je vous ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est vous qui m'avez envoyé. Et je leur ai fait connaître votre nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux, et que je sois moi aussi en eux. Chapitre 18. Après avoir ainsi parlé, Jésus se rendit, accompagné de ses disciples, au-delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait aussi ce lieu, parce que Jésus y était souvent allé avec ses disciples. Ayant donc pris la cohorte et des satellites fournis par les pontifes et les pharisiens, Judas y vint avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth. » Il leur dit « Jésus de Nazareth, c'est moi. » Or Judas, qui le trahissait, était là avec eux. Lors donc que Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda encore une fois « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que fût accomplie la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que vous m'avez donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et, frappant le serviteur du grand prêtre, il lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je donc pas le calice que mon père m'a donné ?» Alors la cohorte, le tribun et les satellites des Juifs se saisirent de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne parce qu'il était beau-père de Caïphe, lequel était grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Cependant Simon-Pierre suivait Jésus avec un autre disciple. Ce disciple, étant connu du grand prêtre, entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Mais Pierre était resté près de la porte, en dehors. L'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit donc, parla à la portière et fit entrer Pierre. Cette servante qui gardait la porte dit à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les satellites étaient rangés autour d'un brasier, parce qu'il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait aussi avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Eux, ils savent ce que j'ai enseigné. » À ces mots, un des satellites qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. » Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne avait envoyé Jésus lié à Caïphe, le grand prêtre. Or, Simon-Pierre était là, se chauffant. Ils lui dirent, « N'es-tu pas, toi aussi, de ses disciples ?» Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Mais ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire pour ne pas se souiller et afin de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui répondirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » Afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il avait indiqué de quelle mort il devait mourir. Pilate, donc, étant rentré dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Pour moi, je ne trouve aucun crime en lui. Mais c'est la coutume qu'à la fête de Pâques je vous délivre quelqu'un. Voulez-vous que je vous délivre le roi des Juifs ?» Alors tous crièrent de nouveau, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Chapitre 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit flageller. Et les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, la mirent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il le souffletait. Pilate sortit encore une fois et dit aux Juifs, « Voici que je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau d'écarlate, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les princes des prêtres et les satellites le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve aucun crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Ayant entendu ces paroles, Pilate fut encore plus effrayé. Et rentrant dans le prétoire, il dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu ne parles pas. Ignores-tu que j'ai le pouvoir de te délivrer et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le délivrer. Mais les Juifs criaient, disant, « Si tu le délivres, tu n'es point ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, fit conduire Jésus dehors, et il s'assit sur son tribunal, au lieu appelé Lithostrotos, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Mais ils se mirent à crier, « Qu'il meure ! Qu'il meure ! Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les princes des prêtres répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié, et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva hors de la ville au lieu nommé Calvaire, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi une inscription, et la fit mettre au haut de la croix. Elle portait ces mots, « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car le lieu où Jésus avait été crucifié était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en grec et en latin. Or les princes des prêtres des Juifs dirent à Pilate, « Ne mets pas le roi des Juifs, mais que lui-même a dit, « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une pour chacun d'eux. Ils prirent aussi sa tunique. C'était une tunique sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent donc entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré ma robe au sort. » C'est ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus ayant vu sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà votre fils. » Ensuite il dit aux disciples, « Voilà votre mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que tout était maintenant consommé, afin que l'Écriture s'accomplit, dit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé au bout d'une tige d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est consommé. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Or, comme c'était la préparation, de peur que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car le jour de ce sabbat était très solennel, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les détachât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais quand ils vinrent à Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera rompu. Et il est encore écrit ailleurs, « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui était venu la première fois trouver Jésus de nuit, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent dans des linges, avec les aromates, selon la manière d'ensevelir en usage chez les Juifs. Or, au lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. C'est là, à cause de la préparation des Juifs, qu'ils déposèrent Jésus, parce que le sépulcre était proche. Chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au sépulcre, dès le matin, avant que les ténèbres fussent dissipées, et elle vit la pierre enlevée du sépulcre. Elle courut donc, et vint trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre sortit avec l'autre disciple, et ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva au sépulcre. Et, s'étant penché, il vit les linceuls posés à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le sépulcre. Il vit les linges posés à terre, et le suaire qui couvrait la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé dans un autre endroit. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore l'Écriture, d'après laquelle il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Cependant Marie se tenait près du sépulcre, en dehors, versant des larmes. Et, en pleurant, elle se pencha vers le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été mis le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ceux-ci lui dirent : Femme, pourquoi pleurez-vous ? Elle leur dit : Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Ayant dit ces mots, elle se retourna et vit Jésus debout, et elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleurez-vous ? Qui cherchez-vous ? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : Seigneur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis, et j'irai le prendre. Jésus lui dit : Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu : Rabboni, c'est-à-dire Maître. Jésus lui dit : Ne me touchez point, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Mais allez à mes frères et dites-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir même, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, parce qu'ils craignaient les Juifs, Jésus vint, et se présentant au milieu d'eux, il leur dit : Paix avec vous. Ayant ainsi parlé, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Il leur dit une seconde fois : Paix avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples étant encore dans le même lieu, et Thomas avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, et se tenant au milieu d'eux, il leur dit : Paix avec vous. Puis il dit à Thomas : Mets ici ton doigt, et regarde mes mains. Approche aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chapitre 21. Après cela, Jésus se montra de nouveau à ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et il se montra ainsi. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous y allons, nous aussi, avec toi. » Ils sortirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?»« Non, » répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent, et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Simon-Pierre, ayant entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées, en tirant le filet plein de poissons. Quand ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson mis dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet qui était plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût un si grand nombre, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez et mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui êtes-vous ? » parce qu'il savait qu'il était le Seigneur. Jésus s'approcha, et prenant le pain, il le en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus apparaissait à ses disciples, depuis qu'il avait ressuscité des morts. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, vous savez bien que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, vous connaissez toutes choses, vous savez bien que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela, indiquant par quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il ajouta, « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, fit venir derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant la scène, s'était penché sur son sein et lui avait dit, « Seigneur, qui est celui qui vous trahit ?» Pierre donc, l'ayant vu, dit à Jésus, « Seigneur, et celui-ci, que deviendra-t-il ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Pourtant Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne,